t'invite en tête à tête. Maman, c'est pas pour un bien, si c'est non, crois pas que tu nous bouffes pas juste. Avec un paquet de cash, je peux pas compter toutes les pétasses que j'ai. Ramener dans ma poche pour deux, trois têches, beaucoup sont prêtes à se faire. Touche la tèche, j'ai passé wesh. Bientôt je fais le tour de la terre, mais pour le moment je vais pas te mentir, je me contente faire le tour ta seule peau. Si je roule un tas de bombes, pas la faguette, je vais te ressentir tes poils, on peut laisser perso. Si je suis la poteau, c'est que pour les pesos. Toi ta vie de carpeté pour de Paco. Si je suis la pélo, c'est que pour les pesos. Pour les pesos, pour les pesos, pour les pesos, pour les pesos. Ouais, ouais. Ça va tout là, essaye pas de boulotte. Rien que ça palote, mais on passe si baisse tous leurs culottes. Lions ont dans son tas, serre les meilleurs des playoffs. Ça va tout là, baisse ta culotte. Ça va tout là, essaye pas de nous boulotte. Rien que ça palote, mais on passe si baisse tous leurs culottes. Nos ondes sont tech, c'est les meilleurs des players. Ça va tout là, hashtag culotte. Que du love, je vais vous verser que du zèle. Il sous-trait sa masculinité. Il me dit que c'est du love, que du love, que du buzz, que du zub. Dans les films de bitch, le downside press. Dans les délires, ça presse. Dans les délires, ta peste. Dans les délires, à poil. Il sait pas la gueule, il sait pas nous gueule. Il s'est donné du love, il sait pas la quête. Je vous verse du love, sous c'est pas des gueules. Que du lin, je vous verse que du lin. Ils ont posé dans le set, ils se rabattent plein de lin. Que du love, que du zen, dans mon groupe de ouf. Dans mon groupe de ouf. Que du love, que du zen, dans mon groupe de ouf. Ça va tout là, essaye pas nous boulotte. Rien que ça palote, mais en face ils baissent tous leurs culottes. Lions ont dans son tas, serre les meilleurs des playoffs. Ça va tout là, baisse ta culotte. Ça va tout là, essaye pas de nous boulotte. Rien que ça palote, mais en face ils baissent tous leurs culottes. Lions ont dans son tas, serre les meilleurs des playoffs. Ça va tout là, hashtag culotte. Hashtag culotte. Hashtag culotte.